Section 50, deuxième partie, chapitre 19. Charlotte était auprès de son mari, qu'elle ne quittait plus d'ailleurs, lorsque celui-ci reçut une lettre de M. Portail. En reconnaissant l'écriture de l'adresse, Charlotte eut un cruel serrement de cœur. « C'est M. Portail qui m'écrit, » dit Emmanuel après avoir lu la lettre. « Il demande que nous l'allions voir ce soir à 8 heures chez lui. En voilà une idée. » « Une idée comme une autre. » « J'ai bien envie de lui répondre que cela nous est impossible. »« Pourquoi impossible? Tu avais un projet pour ce soir ?»« Mon Dieu, non. Seulement, c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre arrivée à Tunis, et en ouvrant le tour du monde ce matin, j'ai vu qu'il commençait la publication d'un voyage dans ces pays. J'avais espéré que nous lirions ce soir ce voyage. Ainsi, nous serions remontés de 4 années en arrière, et par la lecture, nos souvenirs nous seraient revenus comme un parfum. Ah, si l'on pouvait vivre dans le passé !» Il a été si doux pour moi ce passé, si rempli de joie, et l'avenir est si effrayant. Enfin, nous retrouverons le tour du monde demain, si nous avons un demain. Il ne faut peiner personne, surtout les vieillards. Eux non plus n'ont pas le lendemain assuré. Emmanuel fut surpris, en entrant chez le savant, de le trouver en conférence avec 2 messieurs, assis à chaque coin de la cheminée. L'un déjà vieux, à la face rouge, encadré dans une cravate blanche, parlait lentement et posément. L'autre, jeune encore, vêtu avec élégance, répondait en souriant et en plaisantant aux observations de son vis-à-vis. Quels étaient ces messieurs? La curiosité d'Emmanuel ne fut pas satisfaite, car M. Portail ne fit aucune présentation, et après avoir serré la main d'Emmanuel et de Charlotte, il continua la conversation au point où elle avait été interrompue. « Ainsi, pour vous, dit M. Portail, s'adressant au plus jeune des 2 visiteurs, la nature a créé un type spécifique de l'homme. Je ne vous chicanerai pas sur les mots. J'admets la nature, puisque c'est de ce terme vague que vous voulez vous servir. Et je vous dis qu'en dehors de ce type spécifique, il n'y a qu'erreur et confusion. Tout écart de ce type est une anomalie. Où est-il, votre type ? Interrompit le vieux. Bien entendu, continua M. Portail, chacun de ceux qui admettent ce type a la prétention de s'en rapprocher, de sorte qu'on juge les autres d'après soi-même. Je suis avare, les prodigues sont fous. Je suis prodigue, j'accuse alors les avares de folie. » À ce mot, Charlotte vit Emmanuel tressaillir. À la dérobée, il regarda autour de lui. Évidemment, il se demandait quels étaient ces gens. On avait parlé de folie, il était inquiet, et toutes les questions se choquaient dans son esprit troublé. Ah, comme elle eût voulu se jeter à travers cet entretien et le détourner. Mais l'épreuve était commencée. Il fallait maintenant la laisser aller jusqu'au bout. C'était devant des juges qu'il comparaissait, le malheureux. Qu'allait-il décider de lui? Son espérance était dans le docteur Patras. Comme son confrère, il n'arrivait pas avec une idée préconçue. Et puis, avec ses cheveux blancs, avec cette tête vénérable, il était impossible qu'il voulût faire enfermer Emmanuel. Elle ne le quitta plus des yeux, tâchant de suivre et de lire sur son visage les impressions par lesquelles il passait. Cependant, l'entretien continuait. Mais comme il était maintenu par M. Portail dans des généralités théoriques, Emmanuel peu à peu se rassura, et Charlotte vit son émotion se calmer. Mais bientôt le docteur Patras descendit des hauteurs où M. Portail semblait vouloir rester. « J'en appelle à monsieur, » dit-il en s'adressant à Emmanuel. Pour lui, Jeanne d'Arc était-elle hallucinée? Il n'a pas de parti pris, c'est le bon sens qui va répondre par sa bouche. Oui ou non, croyez-vous que la pucelle a été saisie par les transports de la théomanie? Emmanuel resta longtemps sans répondre, les yeux baissés, le front rouge, montrant dans toute sa personne l'attitude de la honte. Parfois il relevait les yeux sur son interlocuteur, mais il les baissait aussitôt comme s'il n'osait le regarder. Cette mobilité du regard avait quelque chose de tout à fait caractéristique. « Je ne sais, » dit-il enfin, « je serais vraiment bien embarrassé pour me prononcer. » En parlant ainsi, il avait balbutié, ses gestes avaient été gauches, et dans les muscles de son visage, il s'était produit des tressaillements. « Pour mon ami Narbanton, » dit M. Portail, « Jeanne d'Arc est une illuminée. »« Illuminée et hallucinée n'est pas du tout la même chose, » continua le docteur Patras. En effet, qu'est-ce que l'hallucination et comment se produit-elle? Continuant ainsi, il avait expliqué l'hallucination, et tout en paraissant se tenir dans la théorie, il avait très habilement décrit l'état d'Emmanuel. Alors, lui venant en aide, le docteur Louville avait insisté, et cette conversation s'était transformée en un véritable interrogatoire qui portait adroitement sur les principaux points que les deux médecins voulaient toucher. Après s'être défendu pendant le premier moment, Emmanuel s'était bien vite livré. Il avait même été au-devant des questions, comme s'il était entraîné par la curiosité d'approfondir un sujet qui, depuis longtemps, obsédait son esprit. Rien de personnel ne lui avait été demandé par les médecins, et cependant, en moins d'une demi-heure, ils avaient appris tout ce qu'ils avaient intérêt à savoir. Quel supplice pour Charlotte, suspendue aux lèvres du vieux Patras! Enfin, celui-ci s'était levé, et M. Louville l'avait suivi. Puis, après avoir salué Charlotte et serré longuement la main à Emmanuel, ils étaient partis, accompagnés par M. Portail, qui avait voulu les reconduire jusqu'à l'escalier. « Quels peuvent être ces messieurs ? » demanda vivement Emmanuel. « Pourquoi M. Portail ne nous a-t-il présentés les uns aux autres ? Pourquoi ont-ils parlé d'hallucinations ?»« Mais, mon ami, je n'en sais rien. Il me semble qu'ils ont continué une conversation commencée. » Pourquoi cette conversation roulait-elle en nous attendant sur ce sujet? Pourquoi, lorsqu'ils sont partis, m'ont-ils serré la main comme s'ils voulaient me tâter le pouls? Tout cela est bien étrange. Tu as donc parlé de mes craintes à M. Portail? Tu as peut-être voulu avoir une consultation. Ces gens sont des médecins, n'est-ce pas? Il s'était animé et parlait avec une violence contenue. À ce moment, le savant rentra dans le salon. Il avait pris son attitude bonhomme, mais en réalité, il paraissait profondément troublé. « Voilà de curieux originaux, n'est-ce pas ? » dit-il d'un ton dégagé en s'adressant à Emmanuel. « En effet. Enfin, nous en sommes débarrassés, et nous pouvons nous occuper de nos affaires. Je vous demande pardon, ma chère petite, de vous avoir exposée à cette conversation fort peu intéressante pour une femme. « Vous les connaissez beaucoup ? » demanda Emmanuel, poursuivant son idée. « Nous disions donc, continua M. Portail, évitant de répondre à cet interrogatoire, que je vous ai écrit ce matin pour vous prier de venir. Vous avez peut-être été surprise, ma chère enfant, que je n'aille pas vous voir. Il est de fait, répondit Emmanuel, que nous n'avons nullement deviné ce qui pouvait nécessiter cette prompte visite. Je vais vous dire ce que vous n'avez pas deviné. Il s'agit d'une collection de photographies pour mon ouvrage, que je veux vous soumettre, et comme la collection est volumineuse, je ne pouvais la transporter rue de Boulogne. D'autant mieux que je n'ai jamais su porter des papiers sans en égarer la moitié en chemin. » Il ouvrit un grand portefeuille et commença à leur montrer sa collection de photographies. À un moment donné, il put glisser quelques mots à Charlotte. « Ils ont reçu une mauvaise impression de cet entretien. Demain, ils me feront connaître leur avis délibéré en commun. J'irai vous voir et vous le porterai. » Le lendemain, en effet, dans le milieu de la soirée, il arriva rue de Boulogne. Charlotte était seule dans le salon, Emmanuel dormait sur un fauteuil dans son cabinet de travail. « Eh bien !» s'écria Charlotte, en faisant signe à M. Portail de parler à voix basse. « Ils sont unanimes à conseiller le placement dans une maison de santé. Voici leur consultation. » Elle prit en tremblant la feuille de papier que M. Portail lui tendait, et pour la lire, elle alla s'adosser contre la porte qui faisait communiquer le salon avec le cabinet de travail de son mari, de manière à la fermer. Lorsqu'elle eut achevé sa lecture, elle plia ce papier et voulut le mettre dans la poche de sa robe, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle fut assez longtemps sans trouver cette poche. Enfin, elle revint vers M. Portail. « Et vous » dit-elle, « que me conseillez-vous » « Où est Emmanuel ? » dit-il sans répondre à cette question. « Il a passé une nuit affreuse, se couchant, se relevant, poussant des cris aussitôt qu'il s'endormait. Après dîner, il s'est mis dans son fauteuil où le sommeil l'a pris. Nous pouvons parler, vous pouvez me répondre. Mais moi, mon enfant, je ne suis pas médecin. Vous êtes un savant. Peut-être, mais je n'entends rien à la médecine pratique, et encore moins à la médecine aliéniste qu'à tout autre. Vous avez consulté des médecins, il me semble qu'il est bien difficile que vous ne fassiez pas ce qu'ils vous ordonnent. Je ne conseille pas le placement dans une maison de santé, m'a dit Patras. Je l'ordonne, et j'ai toute confiance en Patras. Pour Louville, c'est autre chose. Il voit des fous partout. Mais Patras est un homme sérieux. D'ailleurs, c'est un des rares médecins aliénistes qui ne fasse pas de spéculation. Il est pauvre, désintéressé. Il n'a pas de maison de santé lui appartenant. Quand il conseille le placement d'un malade, ce n'est pas pour le prendre en pension. C'est un médecin. Ce n'est pas un marchand de soupe, comme on dit vulgairement. Et M. Louville ? Louville, c'est différent. Il n'a pas de maison en son nom, mais il est, dit-on, l'associé du docteur Bergerès, qui exploite un établissement magnifique aux environs de Versailles, dans les bois de Vélizy. C'est même là qu'on vous conseille de placer votre mari. Monsieur Safarel m'a remis une lettre pour vous, dans laquelle il appuie fortement ce conseil. Il ne s'agit pas de Monsieur Safarel, dit-elle en prenant la lettre sans la lire, mais de Monsieur Louville. Il me semble que si son avis est intéressé, il ne mérite pas grande confiance. Mais celui de Patras, songez, mon enfant, que toute irrésolution peut perdre votre mari. Vous voulez donc, vous aussi, que je le place dans cette maison de santé ? Moi, je ne veux rien. Je n'ose rien vouloir, et je comprends si bien vos angoisses que je les partage. Je vous répète ce qui m'a été dit. Patras, avec qui j'ai longuement causé, m'a montré tout le danger qu'il y avait de laisser notre malade libre, et ne doutant pas du placement, il m'avait même donné la marche à suivre pour que ce placement puisse se faire sans violence et sans provoquer de crise chez votre mari. Je le conduisais demain à Vélizy sous un prétexte quelconque, et je le laissais dans l'établissement du docteur Bergerès. « Ah, mon Dieu !» s'écria Charlotte. « C'est horrible ! Que faire ? Que faire ? Il me semble que la folie me gagne aussi !» Dans son émotion, elle avait oublié de modérer sa voix. Tout à coup, la porte du cabinet s'ouvrit avec violence et Emmanuel parut. « Qui donc est là ? » s'écria-t-il. Il était tremblant, ses yeux étaient largement ouverts, ses pupilles dilatées étaient fixes, son visage était couvert d'une pâleur cadavérique. Il regarda un moment avec épouvante autour de lui, puis reconnaissant M. Portail, « Ah, c'est vous » dit-il. « J'avais cru un mauvais rêve. Et qui nous procure le plaisir de votre visite ce soir ?»« Je venais vous demander de m'accompagner demain à Vélizy pour voir une collection de dessins et de photographies. »« À Vélizy ? Oui, chez une personne de ma connaissance. » « Est-ce que tu peux venir demain, Vélizy ? » dit-il en se tournant vers sa femme. « Mais je ne sais. » « Si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas d'empêchement. Alors j'accepte pour toi et pour moi. C'est entendu, mon cher monsieur Portail. Alors je viendrai vous prendre, vers midi. »« À midi, soit. Nous serons prêts. » Fin de la section 50.